qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous attend en Normandie pour un numéro spécial anniversaire d'Au cœur de l'Histoire. Bonjour Franck, prêt à débarquer ? Oui Céline, bonjour à tous. Un moment d'exception, dispositif exceptionnel. Pour célébrer ce 70e anniversaire du D-Day, du débarquement en Normandie des troupes alliées, Europe 1 a installé un studio à ciel ouvert à bord d'un authentique navire, d'une authentique barge du débarquement, un LCVP, Landing Craft Vehicle and Personnel, ce qu'on appelle un Higgins Boat. Nous sommes donc sur une des quelques dizaines d'embarcations qui faisaient la navette entre les navires acheminant les troupes et les plages du débarquement de Normandie. Nous avons depuis 40 ans descendu le chenal jusqu'à la baie des V, jusqu'à la mer Manche, et dans un instant, nous allons bifurquer à bâbord pour aller croiser devant Utah Beach. Cette barge est la seule qui soit encore en fonction en Europe. Elle est entretenue, elle est mise en valeur par l'association Challenge LCVP, au nom de laquelle Hugues Eliard nous reçoit à bord. Bonjour Hugues Eliard. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est tout à fait extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. Vous me dites que c'est la première fois qu'un studio de radio est installé à bord de ces Higgins Boat, en fait. Hein. Écoutez, moi je suis ravi d'accueillir Europe 1 à bord. C'est effectivement depuis 70 ans, à quelques jours près. Je crois qu'on a l'occasion de réaliser avec votre antenne une grande première. C'est effectivement, à ma connaissance, le premier studio de radio réalisé en direct sur la plateforme d'une barge de débarquement. On en aura fait des choses sur Europe 1 pour ce 70e anniversaire du 6 juin 1944. Alors, il faut que vous nous décriviez un peu ce navire, cette embarcation. Les gens ont à l'esprit, évidemment, le jour le plus long. Il faut sauver le soldat Ryan. On voit à quoi ressemble une barge de débarquement. Il y avait 36 hommes à bord. Voilà, 36 hommes à bord. C'est extraordinaire, il navigue depuis combien de temps ? Pas très longtemps là, hein, 2008, oui, c'est ça ? Oui, on l'a remis à l'eau en fait le 27 mai 2008, juste une quinzaine de jours avant l'armada de Rouen en 2008 à laquelle on a participé. Alors quelques chiffres, longueur, largeur, poids peut-être, tonnage ? Voilà, alors caractéristique principale, c'est un bateau donc construit par le chantier Higgins à la Nouvelle-Orléans sur une base d'une une coque donc 36 pieds, ce qui fait 10,80 m. En hors-tout, largeur 3,29 m, tirant d'eau, donc le faible tirant d'eau du bateau, qui contrairement aux idées reçues, le bateau n'est pas un bateau à fond plat, mais il a un tirant d'eau très très faible, ce qui lui permet d'arriver sur les plages. Un tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur de la coque, la partie immergée, qui est de un petit mètre, 96 Alors, cm. C'est pas donc tout à fait à fond plat, il y a bien une étrave en fait. Hein, il y a effectivement une étrave, il y a une petite quille à l'arrière, voilà. Avec un bateau qui est beaucoup plus technique qu'il y paraît. Et nous, au travers de ce projet, de ce qu'on présente, on présente bien entendu le côté historique, mais également le côté technique. Et c'est tout sauf une boîte de chaussures, comme oui, ça voilà. Me fait sauter au plafond. Mais oui, et d'ailleurs, il y a une certaine stabilité. Alors, on n'est pas tout à fait sorti du chenal. Peut-être que quand on va être en mer tout à l'heure, ça va bouger davantage. Il est en bois, hein, ce LCVP, il faut voilà. Le dire. Hein. Alors, ce qui trompe aussi, c'est vraisemblablement la couleur grise. Mais oui, voilà. Donc, on croit que c'est métallique, mais... Voilà, gris. C'est assimilé à militaire, donc métallique. Le bateau est entièrement en bois. Sauf le haillon avant. Hein, voilà. C'est ça qui cette rampe, elle se renverse, bien entendu. Elle se renverse. Pour que les soldats puissent débarquer sur la plage, naturellement. Alors, c'est la seule pièce qui constitue en fait un bouclier qui est en acier blindé de 6 mm. Et c'est la seule partie vraiment métallique du bateau. Tout le bateau est en bois, en acajou, en pin d'Oregon. donc des bois tropicaux qui sont résistants, qui résistent bien à l'eau. Merci beaucoup Hugues Eliard et bravo de faire vivre ce véritable morceau d'histoire. Nous sommes 9 à bord avec donc des membres de Challenge LCVP, avec Lorena bien sûr, avec notre technicien Fabien et notre reporter Image. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout à l'heure des images de notre expédition sur le site internet d'Europe 1. Et nous avons avec nous le grand spécialiste de la période, auteur d'un ouvrage captivant, Le débarquement pour les nuls, c'est Claude Quettel. Bonjour Claude Quettel. Bonjour. Alors, à la page 140 de votre débarquement pour les nuls, pardon, j'allais dire dictionnaire amoureux, on trouve un encadré autobiographique. Vous nous racontez votre propre expérience du débarquement, avoir 4 ans et demi à Juno Beach, dites-vous, et vous dites que votre première image précise du 6 juin, c'est celle à l'aube de la fenêtre de la salle à manger chez vos parents qui vole en éclats. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ne me rajeunit pas vraiment, mais j'avais 4 ans et demi, presque 5 ans, le matin du 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer, qui est Juno Beach. Et mes premiers souvenirs, c'est effectivement la fenêtre qui part en morceaux. Alors, je me souviens pas de tout quand même, hein, mais je me souviens bien de ça. Et je me souviens des bruits, des bombes, des en plus, des bombardiers. Ce qu'il faut dire, c'est que le 6 juin, c'est la Saint-Claude. Vous vous appelez Claude Quettel. On vous avait promis un gâteau pour votre fête. Et vous, au lieu du gâteau, vous avez vu les Américains débarquer, en fait. Hein. Oui, alors ça, je n'en ai pas gardé le souvenir. C'était les Canadiens. Les Canadiens, Juno. D'ailleurs, à Juno. Et donc, oui. Je n'en ai pas gardé le souvenir. Mais effectivement, enfin, il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, on mourait littéralement de faim. Hein. Eh oui, et donc, sûr, on m'avait promis un gâteau pour ma fête à Saint-Claude. Et il paraît que tout le long du 6 juin, j'ai réclamé ce gâteau qui, bien entendu, n'est jamais venu. On avait autre chose à faire, je j'imagine. Crois, oui. Alors, on va revivre ensemble, à bord de cette barge du débarquement, les événements. On va essayer de se positionner exactement en face de la Madeleine, en face de la plage d'Utah Beach. On va raconter tout ça. Et en attendant, j'aimerais diffuser, si vous le voulez, un document que nous avons enregistré il y a quelques semaines. Nous sommes allés rencontrer un vétéran du débarquement, un GI français, qui a débarqué à Omaha Beach le 8 juin 1944. Il s'appelle Bernard Dargols. Je vous propose d'écouter ce qu'il avait à nous dire. Et puis nous nous retrouverons donc sur cette barge, face à la plage d'Utah, pour vous faire revivre ces heures terribles et fascinantes parmi les plus importantes de notre histoire contemporaine. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Franck Ferrand sur la barge du D-Day. Mais tout de suite, un document exclusif Europe 1. Franck est allé rencontrer un vétéran du débarquement, Monsieur Dargols, qui a 94 ans. Ce qu'il faut dire, Monsieur Dargols, c'est que au moment de la déclaration de la guerre, en 1939, vous étiez sur le sol américain. Vous êtes à New York pour un stage, en vérité. Quand en juin 40, l'Allemagne envahit la France. Là, j'étais déterminé que je ne retournerais pas en France pour me mettre au service de l'armée française de Pétain. Je voulais combattre et quand je suis revenu à l'atelier où je travaillais au coin de la 25e rue de Broadway, mes copains m'ont dit « Mais pourquoi tu ne t'engages pas dans l'armée américaine ?» Je leur ai dit « Mais je suis français, qu'est-ce que je vais faire dans l'armée américaine ?» J'ai rien fait, mais le 7 décembre 1941, Pearl Harbor, l'Amérique entre en guerre. Là, je me suis inscrit. Finalement, j'ai reçu mon ordre de rejoindre Fort Dix dans New Jersey. De là, on m'a envoyé en Caroline du Nord, à Camp Croft, où un camp immense. Et c'est à ce moment-là qu'un officier américain m'appelle à Fort Dix. Il m'interroge et il me dit « Il y a de fortes chances que tu vas débarquer en Europe. Si tu es fait prisonnier, tu seras considéré comme un espion, puisque tu auras un uniforme américain et tu seras français. Par contre, si tu veux devenir américain, je t'envoie à Spartanburg et en 10 minutes, tu deviendras américain sans perdre la nationalité française. » Je suis donc devenu américain. L'officier qui m'interroge me dit « On va t'envoyer à Camp Ritchie. » K Camp Ritchie dans le Maryland, je n'ai jamais prononcé ce nom avant 40 ans, parce que quand on rentre à Camp Ritchie, on signe un papier comme quoi on ne révélera à personne, pas même à sa femme, j'étais pas marié alors c'était pas grave, pas même à sa femme, ce qu'on enseigne à Camp Ritchie. En fait, on vous formait à connaître l'ennemi, là. C'est ça, exactement. J'ai appris le morse en quelques semaines, et comme ça ne m'a jamais servi, je l'ai oublié en quelques jours. On m'a dit, tu fais partie d'une équipe de 6 officiers sous-officiers du service des renseignements. Vous avez 2 jeeps à votre disposition. La mienne, je l'avais appelée la Bastille. Vous allez être attaché à la 2e division d'infanterie américaine. On m'envoie en décembre 43, c'est-à-dire juste 6 mois avant le débarquement, au Pays de Galles, où on s'entraîne. Moi, on me demande de parler devant un parterre de quelques centaines de GIs. Il fallait que vous leur racontiez un peu la France, en quelque sorte. Exactement. Alors, je leur disais, vous serez considérés comme des libérateurs. Quand je leur disais que la France est plus petite que le Texas, ils me demandaient où est-ce qu'on va débarquer. Alors, je leur disais, je ne le sais pas, mais ça paraît très plausible qu'on débarque dans la région de Calais. Je dois dire qu'au bout de 5 mois, ça devenait presque intenable pour nous, parce que combien de fois pouvait-on réviser la Jeep qui marchait bien? Combien de fois on pouvait faire semblant de débarquer dans une plage? Là où on a commencé à comprendre que le débarquement allait avoir lieu, c'est quand la nourriture a commencé à s'améliorer. Le deuxième point, c'était quand on nous a dit « ce n'est plus la peine d'envoyer du courrier », qui était toujours censuré d'ailleurs, « et vous n'allez plus en recevoir pendant un certain temps ». Et effectivement, le 5 juin 1944, mon équipe va à Cardiff pour s'embarquer sur un Liberty Ship. Pardon, juste avant votre départ du 5 juin 1944, étiez-vous le seul Français ou Franco-Américain de ce bataillon ? Dans ma division, je ne connaissais aucun Français. Il y avait des Belges, je connaissais des Canadiens, un Suisse, il n'y en avait pas d'autres à ma connaissance. Et alors, tous ces Américains, tous ces Anglo-Saxons, étaient dans quel état d'esprit dans la préparation du débarquement? Est-ce qu'ils avaient envie de débarquer? Quel était leur état d'esprit? Pour eux, l'ennemi, c'était le Japon. Mais aller en France, c'était comme pour moi quand on m'a dit « tu vas aller à New York à 18 ans ». Aller en France, voir la Tour Eiffel, pour eux, c'était un plaisir. Comme la France est toute petite, on va gagner la guerre en moins de 2, quoi. Ça va pas durer longtemps. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est gagner la guerre et rentrer à la maison. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Avant de retrouver Franck Ferrand en Normandie devant la plage d'Utah Beach, la suite de notre entretien exclusif, nous avons laissé Bernard Dargolz à quelques encablures des plages du débarquement. On est parti et se sont agglutinés d'abord quelques bateaux de guerre, quelques embarcations, des petites barques. Plus on avançait vers la France, plus le nombre de bateaux augmentait. Navires de guerre comme petites embarcations. Sur le bateau, le Liberty Ship, j'ai appris que j'allais débarquer Omaha Beach, Easy Red. Alors, Easy Red, j'ai regardé sur la carte avec celui qui dirigeait le bateau. Et je vois que c'est soit Guerville, soit Saint-Laurent-sur-Mer, espacé effectivement de quelques kilomètres. J'ai débarqué le 8 juin au milieu d'un bombardement effrayant que je n'ai jamais oublié, un bombardement des navires alliés qui envoyaient leurs bombes par-dessus nos têtes pour nous permettre de prendre pied d'une façon... avec plus de sécurité, quoi. C'était du pilonnage, en vérité. C'était un pilonnage. La marine alliée se souciait apparemment peu des dégâts civils et des dégâts des immeubles. Sur la plage, il y a quand même des blessés et des morts encore. C'était un spectacle assez épouvantable, on peut le dire. Mais le fait, pour moi, de retrouver la France après 6 ans, ça m'a créé un choc, une émotion très forte. Enfin, je savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Le fait d'entendre d'un seul coup autour de moi parler français, ça m'a fait réellement un choc. Le front était à environ 3 kilomètres. J'ai débarqué sur une petite ruelle qui partait de la plage et qui allait jusqu'à Formigny. C'était le premier petit village qui était à environ 3-4 kilomètres de la plage. Et on s'est engouffré dans cette rue qui monte et qui porte mon nom aujourd'hui. J'arrive à l'entrée de Formigny et je suis étonné de voir mon G2, mon colonel qui s'occupe des renseignements, Christiansen, me dit « On t'attendait, maintenant ça va être à toi de jouer ». Ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des villages que la 2e division a libérés. Il me dit « Voilà, tu vas partir par ici pour aller dans Formigny et tu dois revenir au bout de 2 heures, pas plus. 2 heures, sans ça on te considère comme perdu. Tu reviens au bout de 2 heures et par le même chemin, surtout par le même chemin ». Alors je lui demande tout de suite « Mais est-ce qu'il y a des Allemands dans Formigny ?» Parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Il me dit « On ne sait pas, mais où il n'y en a pas beaucoup, où ils sont déjà en dehors du village. Pour que tu puisses y aller en paix, tu prends ta Jeep et tu auras un MP, un policier militaire qui t'accompagnera, qui sera ton garde du corps, enfin tout ce que tu veux. C'est pas possible de le faire seul. » Il me dit « Tu sais aussi bien que moi les renseignements que j'ai besoin et que tu as appris à Ritchie. » D'abord, j'ai été reçu comme un libérateur, un sauveteur. Ce que vous étiez. Ce sont les gosses qui se sont... Ils n'avaient jamais vu de GIs, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme avec une distribution de chocolat et de chewing-gum pour les jeunes, pour les gamins, de cigarettes pour les plus âgés, cigarettes américaines, évidemment. Le contact a été immédiat et avec des pleurs, avec des rires, mais ça s'est très bien passé. Donc cette mission de renseignement a été un succès, vous êtes rentré avec beaucoup d'informations. C'est là où j'ai vu les premiers camions remplis de soldats allemands. Et ça, je dois dire que ça m'a réchauffé un peu, je ne sais pas, de voir des Allemands arrogants qui étaient maintenant dans les camions qu'on amenait vers l'arrière, mais qui étaient finalement contents parce que ce qu'ils craignaient, c'était d'être envoyés sur le front russe. Les jeunes qu'on a rencontrés, les jeunes Allemands, eux étaient beaucoup plus belliqueux. Eux, ils voulaient en découdre. Alors, on a toujours cette image, et c'est important que vous nous racontiez ça, et c'est très bien expliqué dans votre livre. On a l'impression, quand on voit les choses d'un peu loin, évidemment maintenant il y a 70 ans, on a l'impression que tout s'est joué sur le débarquement lui-même. La grande affaire de l'époque, c'est ce qu'on appelle la bataille de Normandie. Et c'est une bataille qui a été très rude, très longue et longtemps incertaine. Oui, la preuve c'est qu'à... Après Formigny, il y a eu Trévières. Après Trévières, j'ai eu Cerisy-la-Forêt. Cerisy-la-Forêt, je suis resté 3 semaines en attendant que l'approvisionnement nous parvienne, en attendant qu'on se regroupe et en attendant une attaque. Un assaut, oui. Un assaut. Et c'est là où un GI du service photographique des armées vient me voir et me dit « Écoute, il faut que tu trouves une fermière et je vais vous prendre devant un four à pain. » Le 1er juillet 1944, tous les journaux de New York, en première page, il y avait la photo, j'étais en train de remplir le seau, c'était pour montrer la coopération franco-américaine. Et naturellement, il y avait mon nom, mon adresse, il y avait tout le truc. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour en Normandie avec vous, Franck Ferrand. Vous êtes toujours avec l'équipe d'Europe 1 sur une authentique barge du débarquement. Oui, Céline. Alors ça y est, nous sommes parfaitement synchrones. Nous sommes arrivés en face de cette plage d'Utah Beach qui a été l'un des endroits décisifs du débarquement de Normandie ce 6 juin 1944. Il faut réaliser la chance incroyable que nous avons d'être à bord de cette barge du débarquement. C'est le dernier de ces véhicules qui fonctionne encore et qui peut encore prendre la mer, en Europe en tout cas. Et nous sommes exactement, on peut dire, dans les conditions. Alors effectivement, c'est pas tout à fait la même heure, Claude Quettel. Il faut imaginer quel était le dispositif de ce débarquement. Alors Utah Beach, il est donc 6h30, le 6 juin 44. On est, pour nos auditeurs, je signale qu'on est sur la partie tout à fait occidentale du dispositif. Hein, absolument. Au pied du Cotentin. Absolument. C'est une des deux plages américaines. Il y a Utah Beach et Omaha Beach. Donc les 6h30 est l'heure du débarquement pour ces deux plages d'ailleurs. Et chaque débarquement, en fait, on dit le débarquement. Il y a cinq débarquements. Et voilà, c'est ça. Et donc l'un des cinq débarquements, c'est Utah Beach. On est là. On va dire qu'on est dans la première vague, il est 6h30, on s'approche de la plage. Et derrière nous, à 15 km, on vient de faire 14 km de mer. Et il y a la force U, c'est-à-dire chaque débarquement a son armada. 600 navires sont derrière nous, beaucoup de navires de transport, mais aussi des navires de guerre. Un cuirassé, cinq croiseurs lourds qui aussitôt... C'est cette fantastique armada qui a fait l'image si célèbre du jour le plus long, voilà. Bien entendu. Bon. Mais qui aussitôt, qui ne se contente pas de transporter des soldats qui vont débarquer, mais qui commence aussi un duel d'artillerie qui passe au-dessus des têtes, j'allais dire au-dessus de nos têtes, mais oui. En ce moment même, on a l'impression, là, faut dire que c'est qu'on très a émouvant, des obus de très gros calibre, le cuirassé Nevada, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ce sont 10 pièces de 356 mm, Ce sont donc des pièces d'une puissance terrifiante et qui prennent à partie les défenses allemandes un petit peu derrière les terres qui sont le fameux mur de l'Atlantique, les bunkers. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit quelques vestiges des défenses allemandes sur la côte, là, mais une grande partie ne sont pas visibles. C'était à 2, 3, 400 mètres à l'intérieur des terres. Voilà, en fait, parce qu'il y a deux types de défenses. Il y a les batteries sous béton, ces batteries très impressionnantes, mais en fait, dont les calibres ne sont pas si forts que ça. Et puis, il y a les défenses de plage, Widerstandsnest, nid de résistance, Widerstandsnesten au pluriel, qui émaillent la plage. Et rien qu'à Utah Beach, c'est une bonne demi-douzaine de nids de résistance qui, eux, sont sur la plage. Alors, eux ne sont pas visés par l'armada, qui tire à beaucoup plus longue portée. Ils sont visés par un bombardement préalable et par une partie de la flotte, qui sont des destroyers à plus faible tirant d'eau, qui vont pouvoir s'approcher de la plage et les prendre à partie. Donc c'est un peu compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà un double duel. Un duel à plus longue portée, des pièces à longue portée, et un duel des destroyers qui s'approchent. Alors mettons-nous dans la peau de ces GI qui sont... Ils sont donc 36 là, 36 dans cette barge, SCVP. Là où nous sommes. Bon, ils approchent de la plage. Ils étaient à bord de navires de transport de troupes, bien entendu. De transport de troupes. Ils sont descendus avec des échelles de cordes, c'est ça ? Non, des filets. Des filets, d'accord. Donc ils sont descendus avec des filets dans la barge. Ils sont quand même relativement serrés parce que nous sommes neuf aujourd'hui, on a nos aises. Mais à 36 avec le pilote... Armé Armé et d'ailleurs harnaché, on peut dire. Harnaché. Hein. Ils ont un paquetage qui pèse combien à peu près on va dire plusieurs dizaines de kilos. Ah oui, ouais. Moins que les parachutistes. Le malheureux parachutiste saute avec 50 kilos. Ouais. Là, ils ont, on va dire, 30 kilos. Ils ont un système, ils sont équipés de gilets. Ils ont un vague gilet de sauvetage, ouais. Un boyau, mais qui ne va pas parfois, malheureusement, être suffisant. Et ceux qui vont être, par exemple, une barge va être peut-être la nôtre atteinte, tout le monde tombe à l'eau et beaucoup vont se noyer parce que ce gilet de sauvetage va être insuffisant. Le gilet de sauvetage est insuffisant par rapport à la lourdeur, bien voilà. Entendu. Alors, cette rampe qui est devant nous, là, juste, qui est à quelques centimètres de nous, elle a été ouverte, là, pour qu'on puisse voir la côte, justement. Hein. Voilà. Mais il faut imaginer que cette rampe, elle va tomber, bien entendu. Hein. Elle va s'ouvrir, s'abattre. Oui, voilà. Oui. Dès qu'elle va avoir le contact avec le sable. Oui. Mais il y a très faible tirant d'eau, hein, encore une fois. Même pas un mètre. Alors, il faut calculer des vagues successives de débarquement. Là, nous sommes dans la première vague. Il y a, on va dire, une vingtaine de LCVP de ce genre, qui de vont ces commencer barges, oui, donc, à faire oui. la navette de ces barges oui. de débarquement. Et donc, la première vague... Ça veut dire qu'elle ne débarque pas tant de monde mais que non, ça, finalement. Mais non, vous multipliez 36 par 20, ça fait pas beaucoup. Hein, ça fait 700, ça fait 700 personnes. 720 oui. types. Oui, oui. 720 types, c'est très peu face aux défenses allemandes. Oh là là là. Mais, alors, justement, qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, entre Utah Beach et Omaha Beach? Pourquoi ça va marcher à Utah Beach? Ici où nous sommes à Utah Beach, ça a été un succès, un ça grand marche. Succès. Dès le premier soir, on voit que les Alliés ont gagné du terrain. Alors que juste à côté, là-bas, à l'est, à Omaha Beach, c'est un échec. Hein. Écoutez, c'est pas difficile. Les pertes, tués, blessés, disparus. À Utah, 200. À Omaha, 4000. Ah oui, voilà. Bon. Donc... Et c'est une série de coups de chance. Et c'est à peu près les mêmes raisons qui amènent à une série de coups de malchance à Omaha. Ici, les coups de chance. Les bombardiers maraudeurs qui bombardent juste avant la première vague. Ce sont des bombardiers qui bombardent à basse altitude et qui, du coup, réussissent à frapper leurs objectifs. Les fameux Widerstandsnesten qui émaillent la plage. À Omaha Beach, ce sont des bombardiers lourds qui ont bombardé de plus haut et les bombes sont tombées derrière. Mmh. Deuxième facteur de chance, les chars amphibies dont on ne parle jamais assez, de Plux Drive, des chars qui avaient des espèces de jupes gonflantes. À Omaha Beach, ils coulent presque tous, à cause du très mauvais état de la mer. À Utah Beach, ils sont sur 32, il y en a 28 qui sont opérationnels dès l'attaque. Ça change quand même la vie, selon que vous avez un char ou pas un char pour vous aider. Et la côte n'est pas la même, là, il n'y a pas de falaise ici. La côte n'est pas la même, et on pourrait dire que la mer est moins mauvaise à Utah qu'à Omaha. Alors, plus à l'abri des vents grâce au Cotentin. Je ne sais pas si nos auditeurs l'entendent, mais on vient de couper les moteurs, ce qui fait que la barge maintenant se met à tanguer et un peu de roulis, un peu de tangage. Oui, on va essayer de finir l'émission oui, dans de bonnes conditions. Franck, c'était pire le 6 juin quand même. La mer était franchement plus mauvaise. Elle était basse, elle était haute au moment Mais alors, il fallait débarquer. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué le débarquement, parce qu'il y a toujours un aspect technique. Si vous débarquez à marée basse, vous êtes un homme mort, parce que c'est du vrai tir au pigeon. Si vous démarrez à 2000 mètres de la côte, et si vous débarquez à marée haute, vous tombez sur les fameuses défenses de Rommel qui ont été prévues pour un débarquement oui. à marée haute. Donc il a été prévu un débarquement à mi-marée montante, mais il faut que ce soit très minuté tout ça. Alors Claude Quettel, on se retrouve dans un instant à bord de cette barge du débarquement de ce FCVP, de ce qu'on appelle les Higgins Boats. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Je vous rappelle qu'à partir de 15h sur le site internet d'Europe 1, vous pourrez retrouver la vidéo de l'émission spéciale de Franck Ferrand sur une barge du débarquement. Nous vous retrouvons tout de suite, Franck. On a coupé les moteurs, Céline, vous l'entendez. Nous sommes maintenant très près, exactement en face de cette plage d'Utah. D'ailleurs, nous voyons, nous, à travers le volet qui a été ouvert dans la rampe. On aperçoit le musée d'Utah Beach, on voit les drapeaux français-américains sur cette plage. Il y a 2,20 mètres de fond sous la barge. Ça veut dire qu'évidemment, on allait encore un peu plus près au moment du débarquement, Claude Quettel. À Utah Beach, oui, parce que les tirs allemands sont moins nourris. Et est-ce qu'il y a des barges comme ça qui ont coulé, tout simplement? Oui, parce que ces barges sont très fragiles, elles sont en bois, hein, à part la porte abattante qui est en métal. Et donc, un tir latéral fait exploser la barge, alors parfois à 3000 mètres du rivage. Alors les noyades sont encore plus assurées. Cette petite barge à 36 hommes va faire ensuite des navettes permanentes pour aller rechercher la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague. Or, elle ne navigue pas très vite, en fait. Ça ne va pas très vite, il faut qu'elle fasse un demi-tour, et puis encore une fois... On est à quoi, 20 km/h à peu près? Oui, et puis certaines sont atteintes par les... Il reste... Quand on dit que la plage de Utah, ça se passe mieux, ça n'empêche pas quand même qu'il y ait des tirs allemands et qui donc, pour certains, atteignent les barges. D'autres sautent sur des mines. Alors je feuillette votre débarquement pour les nuls, hein, dans la collection pour les nuls, Claude Quettel. Vous parlez du général Theodore Roosevelt qui a joué un rôle important à Utah. Oui, Theodore Roosevelt Junior. Junior, hein, c'était le fils du grand président américain. De l'ancien président, pas du président Roosevelt. Non, celui des années 1900. C'est l'homme tout à fait légendaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet homme est déjà très âgé. Alors, ça peut faire rire vos auditeurs aujourd'hui quand on va dire qu'il a 57 ans, mais 57 ans en 44, c'est très âgé. En plus, il est cardiaque, il est arthritique, il marche avec une canne, et cet homme, qui est donc un peu fragile, qui a une santé très fragile, a conspiré, pour ne pas dire, a littéralement exigé d'être dans la première vague de Utah Beach. Et c'est le seul général, le seul qui, avec sa canne, dans l'eau, avec sa canne, débarque général et fils d'un président américain. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que comme il conduit la première vague, quand ils s'aperçoivent qu'il y a eu une dérive mais que finalement, ça sert ses intérêts, il dit, parce qu'ils auraient très bien pu prendre la décision de repartir. C'est-à-dire que l'intendance, elle risque de débarquer beaucoup plus loin, mais c'est oui, ou même les vagues suivantes, les vagues suivantes. Et donc, la vague, dès la première vague, Roosevelt, le général Roosevelt, dit, on lui dit, mais mon général, on n'est pas au bon endroit, est-ce qu'il faut qu'on fasse demi-tour? Et il dit, non, il dit, la guerre commence ici. Et alors, on va le voir qui va défiler là, le long de la plage, alors que les Allemands continuent à tirer. Certains vont dire qu'il a même cherché à se faire tuer, tellement il a pris des risques inconcevables. Donc c'est un personnage de légende et qui malheureusement va mourir d'une crise cardiaque en pleine bataille le mois suivant. Qui sont-ils les GI qui débarquent ici? Alors la plupart sont de très jeunes types et ce qui est beaucoup plus grave d'un point de vue militaire n'ont encore jamais vu le feu. Ce sont des types complètement inexpérimentés. Mais c'est vrai aussi pour les parachutistes qui les attendent, qui ont été largués la nuit du 5 au 6 et qui les attendent pour faire la jonction. Beaucoup de parachutistes, en dépit de leur héroïsme, n'ont jamais combattu. Bien sûr. Alors, on a bien compris en écoutant tout à l'heure le témoignage de Bernard Dargolz que ce débarquement, il a été très longuement préparé, bien entendu. Il y a eu tout cet entraînement aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il y a eu toute l'opération d'intoxication par les services secrets. Ça a été toute cette extraordinaire opération Fortitude. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne s'arrête pas le soir du 6 juin. Le débarquement de Bernard Dargolz lui-même ne débarque le 8 juin. Ça va continuer comme ça pendant des jours, pendant des semaines. C'est toute la bataille de Normandie qu'on a tendance un peu à oublier parce que le film Le jour le plus long est concentré sur le, ça y est, 6 juin. Le mot a été prononcé. Ouais. Mais c'est vrai que Le jour le plus long, qui a beaucoup fait pour la mémoire du débarquement et pour le tourisme de mémoire aujourd'hui. Mais effectivement, le jour le plus long laisse penser que le soir du 6 juin, ça y est, c'est gagné. Alors, il y a quand même, les cinq plages réunies, 130 000 hommes mis à terre. Les cinq plages de débarquement, c'est 80 km de côte. C'est donc un secteur très large. Il faut donc d'abord que ces plages se soudent. Et ensuite, il faut qu'elles s'avancent. Il faut faire la jonction et ensuite, il faut gagner du terrain. Voilà. Qu'elles s'approfondissent. C'est ce qu'on appelle constituer une tête de pont. Vous avez dit tout à l'heure que le débarquement n'était pas du tout gagné d'avance. Non. Il y a même, dans votre débarquement pour les nuls, il y a cette anecdote de Eisenhower, hein, qui est le général en chef qui dirige l'ensemble des opérations et qui avait prévu un discours pour annoncer l'échec du débarquement. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et il a évidemment prononcé son discours officiel dès le matin du 6 juin pour dire nos soldats viennent de débarquer victorieusement. Nanana. Et puis trois jours après, dans son portefeuille, il découvre un brouillon où il dit pratiquement l'inverse et en disant malheureusement, et nos troupes ont dû rembarquer. Et il va avoir cette honnêteté que tous les généraux n'auraient pas eu, Montgomery en tête, mais c'est un avis personnel, c'est-à-dire de donner ça à son officier d'ordonnance pour les archives et donc pour l'histoire. On est très près maintenant du bord. On pourrait quasiment débarquer. On a l'impression, oui, que ce battant, que cette rampe va pouvoir s'abattre et qu'on va pouvoir débarquer. Alors, on a parlé beaucoup d'Utah, puisque c'est là que nous nous trouvons en ce moment même. Vous nous avez parlé d'Omaha, qui a été l'échec. Le Bloody Omaha. Il faut parler de Juneau aussi, bien sûr, puisque c'est votre secteur. C'est à ma vous. Plage. Ouais, c'est ça. Et là, ça s'est mieux passé, évidemment. C'était les Canadiens. C'était les Canadiens. Juneau Beach, les Canadiens, plus ou moins bien, parce que le débarquement de la mi-marée montante a commencé à prendre du retard et la seconde vague était pratiquement à marée haute et les barges, LCVP, pour beaucoup, ont sauté sur les mines des obstacles de Rommel. Mais alors, bon, n'oublions pas effectivement qu'il y a cinq plages et là, on ne cesse de parler, c'est normal puisqu'on y est, des Utah, deux plages américaines, Doma, oui, bien sûr. Mais il y a trois plages anglo-canadiennes, Gold Beach, Juneau Beach et Sword Beach qui se trouve à Ouistreham, tout à fait à l'est. De l'autre côté avec le bouclage ici américain des parachutistes et de l'autre côté le bouclage des parachutistes britanniques. Nous nous retrouvons dans un instant toujours à bord de cette barge du débarquement et nous sommes à Utah Beach à quelques mètres maintenant de la plage. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Pendant quelques minutes encore, nous sommes en Normandie avec Franck Ferrand. Nous avons installé un studio sur une barge du débarquement en face de la plage de Tabit. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre est tout à fait extraordinaire, Céline. Nous sommes donc à environ 70-80 mètres de cette plage, de la côte normande, de cette plage d'Utah Beach, à bord d'une des barges du débarquement, une de ces LCVP. avec les membres de l'association Challenge LCVP, dont Hugues Elliard, que nous retrouvons. Ces petits bateaux avaient été conçus par Higgins, par l'ingénieur Higgins, qui avait eu cette idée lumineuse d'installer à l'avant cette rampe qui peut s'abattre et permettre aux militaires de débarquer. Tout à fait. C'est aujourd'hui le principe qui a été retenu pour tous les cars ferry. Donc c'est complètement banalisé. C'est une des inventions qu'on doit aussi... Oui, c'est souvent comme ça en période de guerre. Voilà. Oui. La rampe, ça paraît encore une fois tout bête aujourd'hui, mais il fallait avoir l'idée. À chaque fournée, à chaque navette, si l'on peut dire, il y avait donc 36 soldats qui pouvaient être débarqués. Il n'y avait qu'un pilote, bien entendu, ce qui fait que le nombre de pilotes survivants est aujourd'hui assez peu nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous en avez rencontré un, vous? Oui, tout à fait. On aimerait en rencontrer beaucoup plus. Comme vous venez de le préciser, ils sont plus légion aujourd'hui. Malheureusement, on en a tout à fait fortuitement. À notre plus grande surprise, mais à la sienne aussi, on en a rencontré un il y a exactement un an, le 6 juin 2013. 2013 à 40 ans, qui s'est retrouvé donc au bord du quai, au pied du bateau. On l'a vu arriver tout souriant, un petit monsieur tout voûté, 90 ans l'année dernière, et il s'est penché au-dessus du bateau. On l'a vu, son visage, je l'ai vu en tout cas. Il s'est décomposé. On l'a vu fondre en larmes. Et quand il a vu ce bateau, la première chose qu'il m'a dit, un LCVP, c'est absolument fantastique, mais pourquoi vous l'avez fait plus petit? Mais Joe, on l'a pas fait plus petit, c'est là-dessus que t'as débarqué. Et là, rebelote, il a refondu en larmes à nouveau. Donc son accompagnant qui était là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais quand je vois le bateau, il y a le film qui redéfile dans ma tête, je vois le bateau rouge de sang et qu'on était en train de vider avec les seaux parce qu'il y avait des cadavres partout. Et là, dans l'habitacle où nous sommes, La soute avant. Il y avait bien sûr du sang au sol. Il y en avait partout. J'ai une autre anecdote, un autre pilote que j'ai rencontré aux États-Unis qui a débarqué à Omaha Beach le 6 juin 1944. Il était sur la première vague, donc sur un LCVP. Il a débarqué donc à 6h30 et quelques à Omaha le 6 juin 1944. Il m'a dit, le matelot a ouvert la rampe. Elle était à peine ouverte. Il y a une rafale qui venait de la plage. Il me dit, on a refermé la porte tout de suite. Je suis rentré sur mon cargo de transport avec 36 cadavres dans le bateau. Oh là là là. Et lui était, il me dit, j'avais 18 ans à l'époque. J'étais tremblant de peur et il est arrivé. Il est très exposé, le pilote, parce que là, on le voit bien, nous, Une fois que la rampe est ouverte, il n'y a plus aucune protection. C'est ça, ouais. Et autre chose, pour bien expliquer, les gens ne le savent pas. Le pilote, il arrive sur la plage et les gens s'imaginent que c'est terminé. Mais non, le pilote, on refermait la rampe, il repartait à 20 000 des côtes, donc 2 heures de voyage au cargo. Et les matelots qui étaient sur le cargo, l'infanterie qui devait embarquer, la première chose avant d'embarquer, d'aller se battre sur la plage, ils devaient vider leurs copains qui étaient dans le truc. Ils disaient, mais attends, on va pas aller là-dedans. Imaginez le bateau, vous voyez tout gris, il était 36 cadavres criblés de balles, c'était rouge de sang. Et le pilote... Le pilote qui est à l'air libre, il n'y a même pas d'habitat, qui est à l'air libre, rien, a dit au commandant du cargo, ça y est, moi j'ai fait mon aller-retour sur la plage, je m'en vais. Il dit, mais non, t'y retournes. Et il a fait, en fait, les pilotes faisaient entre 6 et 8 allers-retours. On fait entre 6 et 8 allers-retours dans la journée. Oui, c'est ça, c'était des navettes. C'était des navettes. En fait. Ils arrivaient sur la plage, ils restaient le temps. Et la deuxième, troisième, quatrième fois, ils savaient ce qui les attendait en plus. Oui, sauf qu'au fur et à mesure, notamment à partir de midi, ça a commencé à baisser un peu en intensité, juste au bord de plage. Mais les 4 premières heures, ça a été l'enfer. Il est immatriculé PA-30-4, ce bateau. C'est son immatriculation d'origine. C'est une immatriculation. C'est pas l'immatriculation du bateau, parce qu'il y a malheureusement, il ne reste plus un exemplaire qui est à flot, qui est participé au débarquement. PA-34, c'est le 30 correspond au nom, au numéro. Vous savez que tous les bateaux ont plus que des noms pour les bateaux militaires, des numéros. Le 30, ça correspond au navire de transport, qui est le Thomas Jefferson, qui est un gros cargo, qui emmenait 18 bateaux comme ça, et environ 2500 hommes. Et le numéro 4, c'est le numéro dans la drone. C'est-à-dire que vous avez le PA-31, 32, 33. Sur le Jefferson, il y avait 18. Toujours cette organisation, cette extraordinaire logistique du débarquement. La logistique, c'est inventée par les Américains à l'occasion du débarquement. Alors, ce que vous faites, on peut dire, Hugues Elliard, avec votre association Challenge LCVP, c'est à la fois de l'histoire, car vous nous permettez de comprendre les choses et de les revivre, c'est aussi de la mémoire, bien entendu. Vous entretenez une mémoire vive. En cette période de commémoration, c'est particulièrement important. Vous recevez des vétérans. Il y a des gens qui voient tout ça, qui doivent... évidemment, pour nous, c'est émouvant, mais imaginons ce que ça doit être pour eux, bien entendu. Bravo de le faire, c'est magnifique. Je cite l'ouvrage de Bernard Dargholz, enfin c'est le témoignage de Bernard Dargholz, un GI français à Omaha Beach, dans la collection Témoignages Histoire des éditions Ouest France. L'ouvrage a été écrit par Caroline Jolivet, et puis nous en avons beaucoup parlé. Merci beaucoup Claude Quettel d'avoir été avec nous sur voilà un matériel militaire qui vous avait échappé finalement. Merci d'avoir aussi écrit ce débarquement pour les nuls, le contexte, la préparation du D-Day, la date emblématique du 6 juin bien entendu, toute la bataille de Normandie expliquée épisode par épisode, et puis toute la question du tourisme de mémoire et de cette mémoire encore tellement vive dans une Normandie, je vous prie de le croire, qui reste particulièrement émue en ces jours de commémoration du 70e anniversaire du D-Day, une Normandie qui n'a pas oublié la gratitude.